إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on est rendu au cours numéro 21 dans l'explication de la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Il fait partie des grands ulama de l'Arabie Saoudite, il fait partie de Hayat Kibar al-Ulama. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit dans cette partie-là aujourd'hui « Wa ara wujub al-amr bil-ma'ruf wal-nahy an-il-munkar على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et je vois que c'est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon ce que la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est pur, nous ordonne. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. يرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وغير ذلك من الآيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فجعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا من المنافقين. Donc, on va expliquer cette partie-là. Le Cheikh, il dit que, il considère, comme le reste des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, qu'il est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le munkar. D'ordonner le ma'ruf et d'interdire le munkar. Le ma'ruf, c'est le bien, qu'est-ce qui est connu, qui est bien connu comme étant quelque chose de bien. Et le munkar, c'est qu'est-ce qui est, mauvais et qu'est-ce qui est, rejeté par les gens. Et donc, il mentionne des versets pour prouver ce principe-là. Ça, c'est un des grands principes dans l'islam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est qu'est-ce qui nous distingue des gens qui, sont dans l'égarement ou dans la mécréance ou dans d'autres croyances, n'ont pas ce principe-là. C'est le verset 104 dans Sourate Al-Imran qui dit « Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne le bien, qui invite au bien. » qui ordonne le ma'ruf, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là, ce sont ceux qui auront le succès. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il mentionne le verset 110 dans Sourate Al-Imran. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour l'humanité. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et il y a beaucoup d'autres versets aussi dans ce sens-là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va Hakim? Barakallahu fi kathir. Donc, le Cheikh, il dit, les croyants et les croyantes, ils sont les uns les alliés des autres. Ok? Ils s'ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils établissent la salat, et ils donnent la zakat, et ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde, et Allah est certes puissant et sage. Ça, c'est le verset 71 de la sourate Tawbah. Donc, le Cheikh, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait parmi les caractéristiques des croyants qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Donc, celui qui n'ordonne pas le bien et qui n'interdit pas le mal, ça, c'est parmi les munafiqin. Il est parmi les hypocrites. Ok, donc le chef explique, il dit, قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهم بالعكس وها هم الآن يأمرون بالمنكر بل يأمرون بكل منكر ويدعون إليه يدعون المسلمين إلى أن يتخلوا عن دينهم ويسمون التسمك التمسك ويسمون التمسك بالدين تشددا وغلوا فيقولون لا بد من أن يترك المسلمون هذا ولا بد أن تتمرد النساء ويتركن الحجاب اتركوا الولاء والبراء واجعلوا الناس سواء ما بينهم فرق هذا أمر بالمنكر وهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا وعكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Donc le cheikh il a mentionné les exemples des munafiqin dans le verset 67 dans sourate Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et les munafiqun et les munafiqat, c'est-à-dire les hypocrites hommes et femmes, ils ordonnent le munkar, hein, ils sont les uns avec les autres, hein, ils sont les uns des autres, hein, les uns sont avec les autres. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien, le contraire des croyants. Les croyants ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Les munafiqin eux, ils interdisent le bien et ils ordonnent le mal, ok. Et le chef, il dit donc, eux, ils sont le contraire des croyants, et on les voit aujourd'hui, ils ordonnent le mal. En fait, ils ordonnent tout le mal, tout ce qui est mal, ils l'ordonnent. Et on les voit qu'ils invitent les gens au mal, ils invitent les musulmans à abandonner leur religion, et ils disent que de s'accrocher à la religion et de la pratiquer, ça c'est de l'extrémisme, et c'est d'être trop dur et exagéré dans la religion. Hein, comme ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, les musulmans pratiquants c'est des intégristes, ou c'est des radicaux, ou c'est des X et des Grecs, et comment ils utilisent des termes pour les dénigrer ou pour les faire paraître comme si c'était des gens mauvais. Donc ça c'est des exemples de termes qu'ils utilisent. Donc ils disent qu'il faut que les musulmans abandonnent la pratique et le fait de s'accrocher à leur religion. Hein, et il faut que les femmes marchent dans la rue et qu'elles enlèvent leur hijab. Et il faut que les musulmans cessent d'appliquer al-wala wal-bara, c'est-à-dire de s'allier avec les croyants et de se désavouer des kuffars et des mushrikin, et de faire des distinctions entre les gens par rapport à leur religion et par rapport à leur foi. Donc ils disent qu'il faut accepter tout le monde à égalité. Hein, et ils ordonnent donc tout ce qui est mauvais, et ils interdisent donc tout ce qui est bien. Et ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qui a toujours été également. Donc c'est le contraire de ce que les croyants font. Les croyants, eux, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et le cheikh il dit فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا عَلَامَةُ نَجَاةِ الْأُمَّةِ وَإِذَا فُقِدَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا عَلَامَةُ هَلَاكِ الْأُمَّةِ قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم قليل هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأنجاهم الله من العذاب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان وإما مؤمن ضعيف الإيمان وإذا هلك أهل المنكر يهلك معهم لأنه لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته. Donc, le cheikh explique un point important ici, et il dit que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça fait partie des obligations de la religion, et c'est obligatoire dans la religion, on n'a pas le choix de l'avoir. Il faut qu'il y ait ça, ce principe-là. Et lorsque on trouve l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça c'est le signe qu'il y a du bien dans la Ummah et que la Ummah est sauvée. Tandis que si on trouve qu'il n'y a pas l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, eh bien ça c'est le signe que la Ummah va vers sa perte. Ok? Et il mentionne un verset dans Sourate Hud, hein, qui mentionne justement des points à propos de ce principe-là. C'est le verset 116 dans Sourate Hud. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, hein, qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, il y a un petit nombre parmi eux qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ceux-là du châtiment. Ceux qui faisaient ça, Allah les a sauvés du châtiment. Ensuite, il dit, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Et donc, ça c'est pour dire que les autres qui ont persisté dans la transgression, ils ont péri. Et il mentionne le verset 165 dans Sourate Al-A'raf ensuite. Puis lorsqu'ils oubliaient ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Donc c'est pour dire que le groupe d'entre eux qui avait accepté et qui avait, pardon, accepté dans le sens qu'ils avaient ordonné le bien et interdit le mal, ceux-là, Allah les a sauvés du châtiment. Mais les autres non. Les autres qui ont pas ordonné le bien et qui n'ont pas interdit le mal, eh bien ils ont péri avec les autres. Et il y a certaines personnes de cette catégorie-là aujourd'hui, subhanallah, ils veulent, non seulement ils veulent pardonner le bien et interdire le mal, mais ils veulent empêcher à ceux qui interdisent le bien et à ceux qui interdisent le mal et qui ordonnent le bien, ils veulent les empêcher de faire ça. Et ils veulent leur mettre des bâtons dans les roues. Et ils veulent leur rendre des choses difficiles. Et ils leur disent arrêtez d'ordonner le bien, arrêtez d'interdire le mal, arrêtez de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Hein? Laissez les gens libres, laissez les gens vivre. Ça, c'est des shayatines, hein? Ça, c'est des shayatines al-ins. C'est des diables humains. Ils disent vivre et laisser vivre, hein? Chacun pour soi, hein? La liberté individuelle, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui a le droit de dire à quelqu'un d'autre comment il doit faire, ou comment il doit vivre, ou comment il doit penser, ou comment il doit, hein? Et donc, tout ça, c'est des exemples, des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Mais ces gens-là, ils parlent de ces principes-là comme si c'était en accord avec l'islam. Ils disent, il n'y a pas de contrainte en religion. Hein? Et justement, hier, j'étais allé manger avec un frère dans un restaurant, et puis il y avait une émission dans un pays musulman, et il y avait une femme qui donnait un commentaire, elle disait que dans l'éducation religieuse de ses enfants, elle dit, nous, on ne veut pas faire de contraintes. Hein? On leur transmet seulement des informations, et puis après ça, ils vont choisir par eux-mêmes. Et bien entendu, ça c'est pas l'attitude des parents musulmans dans l'éducation de leurs enfants de dire il n'y a pas de contrainte. Parce qu'il y en a qui utilisent le verset là, ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion, puis ils essaient d'appliquer ça aux musulmans pour essayer de faire croire que tu peux pas ordonner le bien à tes enfants ou à ta femme ou à ta famille, et tu peux pas leur interdire non plus le mal. Tu dois les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Et tu ne dois pas leur imposer quoi que ce soit de la religion. Bien entendu, c'est de l'égarement, c'est de l'ignorance. Parce que c'est ta responsabilité de le faire. D'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'ordonner le bien à ta famille, à tes enfants, et de leur interdire de faire ce qui est haram dans ta maison, et dans ce qui est dans ton contrôle. Donc, ça c'est pour dire comment certains musulmans ont été influencés par les idéologies des occidentaux, des pouvoirs parmi les chrétiens et les juifs. Et ils ont essayé d'intégrer ça dans l'islam pour essayer de justifier les mêmes choses parmi les musulmans. Et ces idées-là sont maintenant ancrées dans la mentalité de beaucoup de musulmans même, hein, par la télévision et par beaucoup d'autres moyens. Donc le cheikh il dit « Fala yanjou illa ahlul amr bil ma'ruf wal nahi anil munkar amma man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha anil munkar fa huwa imma munafiq » comme on a dit tout à l'heure, personne va être sauvé du châtiment d'Allah, excepté les gens qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas ordonné le bien et qui n'ont pas interdit le mal, soit que c'est un hypocrite qui n'a pas de foi du tout dans son cœur, ou soit que c'est un croyant mais qu'il a la foi faible, et donc lorsque les gens du mal vont périr, eux vont périr avec eux. Ceux qui n'ordonnaient pas le bien, qui n'interdisaient pas le mal, ils vont périr avec eux aussi, hein, parce qu'ils n'ordonnaient pas le bien, ils n'interdisaient pas le mal. Donc, et ça bien entendu, comme le cheikh il dit, « bihasad istita'atihi », c'est-à-dire selon sa capacité. Hein, comme on a expliqué déjà dans des contextes, dans certains cours, on a expliqué que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est selon ton niveau et ton autorité dans la société, dans le sens que si tu es un dirigeant, là tu as une autorité, tu peux utiliser la force. Mais si tu es, ou bien si tu es un père de famille, tu peux ordonner le bien, interdire le mal, utiliser la force dans ta maison parce que c'est toi le chef de la famille. Toutefois, si tu n'as pas cette autorité-là, donc là tu ordonnes le bien avec ta langue et tu l'interdis avec ta langue, le mal. Et toutefois, si tu n'es pas capable de le faire avec ta langue, dans ce cas-là, tu le fais avec ton cœur, dans le sens que tu vas détester ce mal, et puis tu souhaites de pouvoir le changer si tu pouvais le changer. Ça, c'est le minimum de la foi. Comme le cheikh, il le mentionne justement ici, il dit « فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا هالك مع الهالكين فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله donc le cheikh il dit donc si tu peux pas avec ta langue tu le fais avec ton cœur. Et si tu ne peux pas avec ton cœur, alors ça c'est le minimum de la foi, tu ne peux pas aller plus bas que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que tu ne puisses pas le changer le mal avec ton cœur. C'est le minimum de la foi. Donc, pourquoi? Parce que ton cœur, personne ne peut t'empêcher hein, de détester le mal par ton cœur. Personne ne peut t'imposer d'aimer quelque chose de mauvais dans ton cœur. Parce que ton cœur, personne ne peut le contrôler à l'intérieur de toi, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc ça c'est très important, et ça remet en question aussi les idées des kuffar, yani des fois ils parlent à la liberté, ils parlent de liberté de conscience, et liberté d'opinion, ou liberté de pensée par exemple. La liberté de conscience ou de pensée, c'est une idée que les kuffar ont, et puis yani, des fois moi je réfléchissais à ça, des fois je me disais comment ils demandent ou comment ils disent que les gens sont ont le droit à la liberté de conscience. Puisque la conscience elle est à l'intérieur de toi-même, personne ne peut savoir ce que tu as dans ta conscience et personne non plus peut savoir à quoi tu penses dans ta tête. Donc de parler de liberté c'est un petit peu absurde puisque tu es déjà libre dans ta pensée. Hein? Et en fait eux c'est pas vraiment la liberté de penser qui les dérange, mais c'est plutôt la liberté d'exprimer sa pensée. Et donc, eux, ils voudraient avoir le droit d'exprimer n'importe quelle autre pensée, n'importe quelle autre idée, n'importe quelle chose que tu as dans ta conscience, et de le dire ouvertement, même si c'est de l'égarement, même si c'est de la mécréance, même si c'est des bid'ahs ou des choses incorrectes. Et dans ce cas-là, bien entendu, un musulman, il ne peut pas avoir cette liberté absolue. Le musulman, il doit se limiter au texte de la révélation du Coran et de la Sunna pour savoir les limites, où est-ce qu'il doit s'arrêter dans sa pensée, où est-ce qu'il doit s'arrêter dans ses idées, des choses de ce genre. Tandis que le kafir, lui, il n'a pas de limite parce qu'il n'a pas une base sur laquelle il repose pour guider ses pensées, guider ses opinions, guider ses paroles et ses actions. Donc, pour nous les musulmans, il n'y a pas cette liberté absolue-là, comme chez les kuffars, et c'est pour notre bien, en fait, pour qu'on reste dans les limites de ce qui est bon pour nous. Donc, le cheikh, il dit aussi que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, après ce niveau, le niveau du cœur, après ça, il n'y a pas une graine de moutarde de foi. Donc, pour dire que c'est le minimum, après le niveau du cœur, il n'y a plus de foi par la suite, si. Il n'y a pas le fait de changer le mal avec le cœur. Et le cheikh, il dit, فَدَلْ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي لَا يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفَ لَا يَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ هَالِكُمْ مَعَ الْهَالِكِينَ Donc celui qui n'ordonne pas le bien, qui n'interdit pas le mal, ça, ça prouve qu'il va être perdant. Il va périr avec les gens qui périssent dans le pays ou dans la société où il est. Et donc c'est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et tu ne peux pas être sauvé, excepté si tu respectes ça. Hein? Et si cette chose-là est absente, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, tu mérites de périr avec les autres. Et il dit « Wala hawla wala quwata billah ». Il n'y a pas de mouvement ni de pouvoir accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite « Wa qawlu shaykh wa ala ma tujibuhu shari'a aza raddun li qawli al-khawarij wal-mu'tazila an al-amra bil-ma'ruf wal-nahi an al-munkar huwa al-khuruj ala wulat al-umur wa shaqq asa al-ta'ah wa tafriq al-jama'ah wa safk al-dima'ah بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا تجبه الشريعة بل تنهى عنه الشريعة وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يسمون الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة واستباحة الدماء أو استباحة دماء المسلمين وتكفيرهم يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا انحراف وهذا انحراف في مسمى في هذا المسمى العظيم ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة على ما تجيبه الشريعة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية لأجل أن لا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقده الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة على المؤمنين الذي يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين يسمون هذا من إنكار المنكر وهذا خلاف ما تجيبه الشريعة وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب il a dit donc il croit qu'il faut ordonner le bien et interdire le mal mais selon ce qui est ordonné dans la charia, selon les ordres de la charia par rapport à ce principe-là, et ça c'est pour réfuter les khawarij et les mu'tazila. Pourquoi? Parce que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il y a des gens qui ont exagéré là-dedans, qui ont dépassé la limite de la charia à ce sujet-là. Et c'est pour ça que le cheikh il spécifie et il dit qu'il faut faire, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal selon les règles de la charia. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamza. Naam. Donc, le cheikh il dit que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il y en a parmi les gens de Bid'a comme les Khawarij et les Mu'tazila, eux ils pensent que ça c'est de sortir et de se rebeller contre les dirigeants musulmans, hein, et de briser le bâton de l'unité et de l'autorité des musulmans, et de diviser la jama'a, et de faire couler le sang, hein, sous prétexte qu'ils veulent ordonner le bien ou interdire le mal. Et ça, ce n'est pas ce que la charia a ordonné. En fait, la charia nous interdit de faire ces choses-là. Et ça, ça ne fait pas partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et donc, eux, ils appellent le fait de prendre les armes contre les dirigeants et de se rebeller contre le pouvoir et de briser l'autorité du dirigeant. Eux, et de rendre halal le sang des musulmans et de les déclarer koufars. Eux, ils appellent ça l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ça, en réalité, c'est de la déviation par rapport à qu'est-ce qui est, mentionné dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans l'islam. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de même que d'autres ulama parmi les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont spécifié que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal doit se faire selon ce que la charia ordonne. C'est-à-dire, comme le cheikh Ibn Taymiyyah le mentionne dans Al-Aqidatul Wasitiyah, qu'il ne faut pas que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal soit faite n'importe comment. Il faut que ce soit fait dans les règles de la charia. Pour pas que les gens s'imaginent que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est en accord avec la croyance des Khawarij ou des Mu'tazila qui déclarent les musulmans qui font des grands péchés comme étant des koufars, et puis qu'ils appellent ça par la suite de l'ordonnance du bien ou de dénoncer le mal. Okay? Donc eux, quand ils voient par exemple des dirigeants qui font des péchés ouvertement, qui font des choses haram, eh bien eux ils prennent ça comme un argument pour se justifier dans leurs actes de rébellion et dans leur combat contre le dirigeant puis les attentats qu'ils font contre le pouvoir politique dans les pays musulmans. Et ça, bien entendu, ça fait pas partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et il y a plein de hadiths qui ont interdit ça, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chef, il dit que ça, c'est en contradiction donc avec ce que la charia nous ordonne, et que c'est de l'extrémisme par rapport au fait d'ordonner le bien et par rapport à interdire le mal. Et le chef, il dit « فَيَجِبُ التَّنَبُّ لِهَذَا وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ هُوَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة فإذا لم يستطع فأنت لست مكلفا بذلك وإلا فإنك إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهلك وتبتعد عنهم وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. Le chef il dit, c'est pour ça donc qu'il faut faire attention à ça. L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le chasse avec sa main. S'il n'est pas capable, alors avec sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors avec son cœur. Ça c'est la façon dont on doit ordonner le bien et dont on doit interdire le mal, selon la capacité. Et si tu n'es pas capable, alors tu n'es pas mukallaf, tu n'es pas chargé de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, tu le fais selon ta capacité, c'est-à-dire tu vas le changer avec ton cœur. Hein? Tu changes le mal avec ton cœur en dénonçant ce mal dans ton cœur. Okay? Parce que c'est tout ce que tu peux faire et tu t'éloignes de ceux qui font ce mal-là et tu restes pas avec eux. Et le chef dit « أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة وأهل الضلال » Donc en ce qui concerne ceux qui prennent les armes contre les musulmans ou qui prennent leurs armes dans le visage des musulmans et puis qui disent ça c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça c'est le madhab des khawarij, de la secte des khawarij. Et c'est le madhab de la secte des Mu'tazila, et ça c'est des gens d'égarement. Et le chef, en fait, il a mentionné ça, puis j'avais juste un exemple à mentionner par rapport à quelque chose qui m'est arrivé justement quand je me suis converti à l'islam dans les premières années. Hein, on est nouveau, on est toujours au début excité, et on veut toujours changer tout d'un seul coup, on voudrait que ça change les choses rapidement. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me rappelle, je prenais des cours avec un cheikh ici à Montréal, hein, Cheikh Abdurrahman, un Soudanais, et puis un jour je suis arrivé, puis je réfléchissais à ça, je me disais, subhanallah, il faut ordonner le bien, il faut interdire le mal, et ici, je me disais, ah ici il y a plein de magasins avec de l'alcool, des choses comme ça, il faudrait comme détruire tout ça, puis arrêter de détruire tout ça. Hein, je me disais ces choses-là dans ma tête. Et donc, je me disais, est-ce que ça, ce serait correct de faire ça? Est-ce que ce serait permis? Et donc, je suis allé voir le cheikh. Et puis, j'ai posé la question au cheikh. Je dis, cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et puis, nous, on est ici, là, dans ce pays, puis il y a plein de choses haram, il y a de l'alcool, il y a tout. Est-ce qu'on a le droit, comme on rentre dans ces endroits-là, puis on casse tout? On brise l'alcool, on détruit toutes ces choses-là. Est-ce que ça c'est permis? Et le chef, il m'a répondu, il m'a dit, ça c'est pas permis de faire ça. Il m'a dit, c'est pas permis de faire ça parce que si tu fais ça, tu vas faire plus de mal que le mal que tu veux enlever. Et ça peut avoir des répercussions puis des conséquences plus mauvaises que le bien que tu veux ramener. Et donc dans ce cas-là, c'est pas permis de faire des choses pareilles. Et ça m'a fait comprendre par la suite beaucoup de choses par rapport justement à l'islam et les règles qui ont rapport avec le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal. C'est pas de le faire n'importe quelle façon puis n'importe comment, hein, pour que tu veux dire, moi je veux changer ça, je veux changer ça aujourd'hui, il faut casser tout ce qui est haram et tout de n'importe quelle façon. Non, il faut le faire aussi avec sagesse, puis il faut le faire avec compréhension puis avec connaissance, puis il faut pas faire en sorte que ça va amener plus de désordre. Donc après ça, justement, comme je dis, ça m'a donné un bon exemple. Et c'est pour ça que le cheikh, il mentionne faire attention à la voix des khawarij et des mu'tazila dans le fait de vouloir interdire le mal. Et surtout quand quelqu'un est nouveau dans l'islam. Que ce soit des gens qui sont nouveaux parce qu'ils viennent de se convertir, ou bien que ce soit des nouveaux dans le sens qu'ils viennent de commencer à pratiquer la religion musulmane avec plus de ferveur, et bien là, ils sont vraiment, disons, motivés, la foi, leur foi est plus forte, mais parfois, il leur manque un peu de savoir et de compréhension et de connaissance. Donc, ils veulent faire des gestes, ils pensent faire le bien, mais en réalité, c'est pas le bien. C'est ça. C'est ça. Il a pas pris le temps pour leur apprendre. Il a voulu changer tout d'un seul coup, là. Ouais, non, ça c'est pas bien. C'est comme il y a un frère qui avait donné un exemple une fois. Ça s'était passé dans un pays musulman. À une certaine période, il y avait beaucoup de problèmes là-bas. Et puis, il y a quelqu'un qui avait justement vu, parce que dans ce pays-là, il y avait des groupes, des jama'at. Et puis, chaque jama'at avait un amir. Et l'amir d'une de ces jama'at, ils lui ont dit, toi, tu dois aller parce qu'ils pensent qu'ils font le djihad contre le gouvernement, là. Alors, ils veulent renverser le gouvernement ou ils veulent opposer le gouvernement. Alors, ils pensent qu'ils vont ordonner le bien et interdire le mal. Ils savent qu'il y a un magasin où il y a de l'alcool. Alors, l'amir de cette jama'a, de ce petit groupe de bid'a, de khawarij, il dit, va brûler ce magasin d'alcool. Alors, l'autre, il dit, ok. Il s'en va, il brûle le magasin avec l'alcool. Mais en haut de ce magasin-là, il y a des familles qui habitent là-bas. Et donc, l'immeuble, elle a brûlé au complet, et tous les musulmans qui vivaient dans cet immeuble-là sont tous morts, brûlés aussi. Donc, lui, il pense qu'il veut interdire un mal ou changer un mal, détruire l'alcool qui est là, et il fait un mal plus grand encore parce qu'il va tuer des musulmans innocents et il les brûle dans le feu. Et ça, c'est grave parce que c'est haram de tuer et de prendre la vie des gens. Hein? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, les gens, ils veulent faire le bien, ils pensent faire le bien, ils s'imaginent qu'ils font le bien, puis ils rentrent dans des choses pareilles, puis ils font des choses beaucoup plus graves encore. Et il y en a qui, le shaitan leur embellit tellement leurs actions, ils vont leur dire, ils vont essayer de justifier même ça, le fait qu'ils ont tué des innocents, ils vont dire, c'est pas grave, ceux qui sont morts comme ça, ils vont être ressuscités avec leurs intentions, donc c'est pas grave. Hein? Le shaitan, oui c'est ça, ils disent, ah, c'est des dommages collatéraux et tout, donc c'est pas grave, mais ça c'est du façade, c'est l'art. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la corruption et le désordre sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui voulaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui venaient pas prier à la mosquée le matin pour Fajr, il a dit, si c'était pas des enfants et des femmes qui sont dans ces maisons-là qui sont excusés de pas aller à la mosquée, j'aurais demandé qu'on brûle leur maison. Hein. Mais, pour pas tuer des innocents justement et des gens qui sont excusés de ne pas aller à la mosquée, il n'a pas fait ça. Hein. Donc c'est pour dire, imaginez, si ça c'est pour la salat, hein, que dire pour des autres choses qui sont moins graves que la salat. Donc, ça c'est des exemples pour qu'on comprenne comme il faut que dans l'islam, il faut ordonner le bien, il faut interdire le mal, mais dans les limites de qu'est-ce qui est permis dans l'islam, d'accord? Et le cheikh il dit, c'est ça. فَهَذَا هُوَ الْقَيْدَ الَّذِي أَرَادَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بقولهم على ما توجبه الشريعة. C'est ce que les ulama ont voulu dire quand ils disent selon ce que la charia nous ordonne. Ensuite, le cheikh il dit là on a, disons, on a terminé d'expliquer la aqida elle-même. Maintenant, on arrive à la fin du livre où le cheikh il répond maintenant à certaines paroles ou certaines accusations qui ont été faites contre lui, hein, de la part de certains parmi les jeunes de son époque. Donc le cheikh il dit فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان ابن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire maintenant, donc ça il dit c'était une aqida qui était résumée, que j'ai écrit alors que j'étais occupé dans mon esprit par plein d'autres choses, mais je l'ai écrit pour que vous puissiez savoir ce que j'ai, hein, que c'est quoi ma aqida. Et Allah, il est garant de ce que je vous dis, ok. Puis également il leur dit, et je suis au courant que يعني لا يخفى عليكم يعني c'est-à-dire vous savez que je suis au courant que la lettre de Suleyman ibn Suhayl elle vous est parvenue parce qu'il y a une personne qui habitait à Riyad à l'époque qui s'appelle Suleyman ibn Suhayl et c'était un des personnes qui était parmi les ennemis de la da'wah du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et il racontait au sujet du Cheikh beaucoup de mensonges et il avait écrit une lettre aux gens de Qasim lui aussi pour mentir sur le Cheikh. Alors le Cheikh, il a écrit cette aqida pour envoyer aux gens de Qasim et pour leur dire « Voici ma aqida » et il dit « Je sais que vous avez reçu la lettre de Suleyman ibn Suhayl et je sais également que certains d'entre les gens qui s'apparentent à la science et qui sont proches de la science islamique ont cru et ont accepté qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre-là. Alors là, après, il va commencer à énumérer certains des mensonges qui sont mentionnés dans cette lettre de Suleyman ibn Suhayl et il va les réfuter en même temps et répondre à ces mensonges-là. Donc, le Cheikh Al-Fawzan dit « يخاطب أهل القسيم الذين سألوه عن عقيدته يقول هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسوطة كالعقيدة الواسطية والعقيدة الطحوية وشرحها. Donc le chef il dit donc il parle aux gens de Qasim, il s'adresse à eux qui parce que ces gens-là, les gens de Qasim, lui ont demandé d'expliquer sa aqida. Alors il leur dit voici un résumé de l'aqida que j'ai écrit alors que je suis très occupé, c'est-à-dire il est occupé avec beaucoup de travail qu'il fait dans la da'wa et dans l'enseignement, et d'autres grandes choses qu'il faisait, rahimahullah. Et il a écrit donc ce petit résumé de la aqida en réponse à leurs questions. Et les détails de ces questions-là dans la aqida sont mentionnés dans les livres plus volumineux et plus expliqués, comme l'aqida al-wasitiya et l'aqida al-tahawiya et le sharh de ces livres-là également. Donc si celui qui veut savoir les détails de cette aqida de Ahl al-Sunnah, ils peuvent retourner à ces livres-là. Le cheikh il dit ensuite وقوله لتطلعوا على ما عندي لأنه اتهم بأشياء ورمي بأشياء وهو منها بريء فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. Donc le cheikh il a dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit aux gens de Qasim, je vous envoie cette aqida de moi, un petit résumé pour que vous puissiez savoir ce que j'ai en moi-même et ce que j'enseigne. Et pourquoi le cheikh Al-Fawzan dit parce qu'il a été accusé de plein de choses et on lui a fait des fausses accusations, des choses, il est innocent de ces accusations-là. Et donc il a clarifié sa aqida justement pour réfuter à ses opposants qui mentent à son sujet et qui disent à son sujet des choses fausses. وقوله والله على ما نقول وكيل يشهد الله على ذلك وهذا من صدقه رحمه الله كما أنه في بداية هذه العقيدة أشهد الله وملائكته ومن حضره من المؤمنين على ما تضمنته. Le Cheikh il dit que, Cheikh Mohammed ibn Wahhab il dit que Allah est garant de ce qu'il dit. Cheikh Al-Fawzan il dit qu'il prend Allah comme témoin de sa sincérité et de la véracité de ce qu'il dit. Et ça c'est la preuve de sa sincérité aussi. Et comme il l'avait dit au début de cette aqidah, qu'il prenait pour témoin Allah et ses anges et ceux qui sont présents parmi les croyants, de ce que cette aqidah-là contient. Donc ça c'est pour montrer que il prend Allah comme témoin, donc il veut montrer qu'il est sincère dans ce qu'il dit. قوله ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم لما ذكر عقيدته أراد أن يرد على من اتهموه بتهم هو منها بريء وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا أتباع الأنبياء كلهم يتهمون كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك ويريدون الرئاسة ويريدون الأموال ويريدون الرياء والسمعة وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم يريدون كذا وكذا كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهامهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه شاعر وأنه مجنون وأنه معلم وأنه كذاب وأنه يريد الترأس على الناس فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى دعوة الأنبياء دعوة الرسل اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية وتضمنتها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والرد على داود الجرجيس العراقي فيما كتب من الباطل والرد على دحلان في كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ الدحلان. Le Cheikh il dit donc que par la suite il mentionne le fait que il dit vous savez que je suis au courant que la lettre de Suleyman ibn Suhaym elle vous est parvenue. Hein? Parce que lorsqu'il a mentionné sa aqida, après il a voulu répondre à certaines des accusations hein, dont il est innocent. Alors le Cheikh il dit parmi ces accusations là, il dit de toute façon ces accusations, il n'y a personne parmi les prophètes aucun prophète qui a été exempté de ces accusations là. Tous les prophètes ont été accusés de quelque chose et on leur a lancé des accusations. Donc le cheikh il donne des exemples de ça. Il dit depuis que tu commences à appeler à l'islam et que tu commences à faire une da'wah, automatiquement que tu appelles les gens à Allah, hein, les prophètes ils ont été accusés et ceux qui suivent les prophètes aussi, ils ont tous été accusés du moment qu'ils appellent à Allah et du moment qu'ils dénoncent le mensonge et la fausseté des gens qui suivent la fausseté. Hein, on leur fait donc des accusations. On dit qu'ils veulent le pouvoir. On dit qu'ils veulent être le chef. On dit qu'ils veulent l'argent. On dit qu'ils veulent se faire voir, qu'ils veulent se faire entendre. Ou on dit que ce sont des sorciers. Ou on dit que ce sont des fous. Hein, et qu'ils veulent ci et ça. Le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le Coran, dans les paroles des kuffars et dans leurs accusations contre les prophètes, alayhi salatu wa salam. On trouve ça en particulier aussi au sujet de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens l'ont accusé qu'il était un poète, ou qu'il était un fou, ou qu'il était enseigné par quelqu'un, ou bien qu'il était un menteur, ou bien qu'il voulait être chef sur les gens, ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit, alors si c'est le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de ceux qui sont en dessous de lui, c'est-à-dire parmi les ulama et parmi les gens qui appellent au tawhid et à l'islam? Comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, par exemple, lorsqu'il a appelé les gens au tawhid et à l'islam et à la da'wah des messagers, on l'a accusé et on l'a menti sur lui, on a inventé des mensonges sur lui. Et leurs mensonges de ceux qui ont menti, elle est mentionnée dans les livres. Et les ulama ont réfuté ces mensonges-là, alhamdoulilah, dans les livres et dans des extraits, des recueils qui ont été écrits, qui sont présents dans le livre qu'on appelle At-Durar Ustaniya fil Ajubat al-Najdiya. Ça c'est un recueil de volumes de tout ce qui a été écrit par les ulama du Najd pour réfuter les accusations des gens de Bid'a qui accusaient le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les ulama qui suivaient cette voie. Donc parmi les exemples de livres qui sont dans ce livre-là, il y a des livres qui sont dans ce livre-là et il y a également des livres séparés de cette collection-là qui sont aussi pour répondre aux accusations qui ont été faites contre le cheikh. Parmi les livres, il y a Misbah al-Zalam, Siman Kazaba al-Sheikh l'Imam, c'est-à-dire misbah al-dhalam, c'est-à-dire la lanterne qui éclaire les ténèbres au sujet de celui qui a menti contre le cheikh l'imam et qui l'a accusé de faire le takfir des gens de l'islam, de la umma de l'islam. Donc c'est ça le titre. Et c'est écrit par le cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman, rahimahullah. Et il y a également la réfutation qui a été écrite contre un Irakien qui s'appelle Ibn Daoud Ibn Jarjis. Daoud Ibn Jarjis, il a écrit un livre pour critiquer le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab ainsi que sa da'wa. Et il a été également réfuté ce livre-là. Il y a aussi Arad al-Dahlan dans un livre qui est écrit qui s'appelle Siyanatul Insan min Waswasati al-Sheikh Dahlan. C'est-à-dire la protection de l'homme contre les suggestions du diable de Sheikh Dahlan. Et Dahlan, le Sheikh explique c'est qui. Il dit Dahlan, هذا هو مفتي أهل مكة وكان خرافيا أتى بشبه على دعوة الشيخ وصار يكذب عليه وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية وذكر فيها افتراءات على الشيخ فرد عليه عالم من علماء الهند وهو محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان وهو متبوع موجود مثل كتاب غاية الأمان في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي. Donc le cheikh il dit que Dahlan c'était le mufti de la Mecque à l'époque et c'était un khurafi, c'est-à-dire quelqu'un qui suivait des superstitions et qui a lancé plein de shubuhat contre la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et il est arrivé même au point où il commençait même à mentir contre le cheikh et à dire des choses fausses contre lui et il a écrit un livre qui s'appelle Ad-Durar al-Thaniya fi Radd 'ala al-Wahhabiyya. C'est un livre dans lequel il prétend réfuter ce qu'il appelle al-Wahhabiyya. Et il y a un des savants de l'Inde qui l'a réfuté, qui a réfuté Cheikh Dahlan, qui s'appelle Mohamed Bashir al-Sahsawani. Lui, ce Cheikh-là qui vient de l'Inde, il a réfuté Dahlan avec un livre qui s'appelle Siyanatul Insan an Waswasati Cheikh Dahlan. Et c'est un livre qui est publié, qui existe maintenant. Et il y a également, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il est né en 1115. Et il est mort en 1206 Hijri. Donc, on est en 1430 aujourd'hui. Donc, ça fait quand même presque 300 ans, là. 200. Non, ça c'était dans le passé, ça. Ça c'est tous des livres qui ont été écrits dans le passé pour réfuter. Donc, bien sûr. Exactement. Barakallahu fik. Il y a des livres qui sont justement écrits aujourd'hui pour attaquer ou critiquer la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et la da'wa salafia et les réfutations qui ont été écrites par les ulama à l'époque sont toujours bonnes. Quand tu retournes à ces réfutations-là, tu trouves des réponses et des arguments contre ce que ces gens-là inventent de mensonges au sujet du Cheikh. Et moi j'en ai quelques-unes que j'ai lues. Oui, Wahhabi, oui, c'est ça. Donc eux, ils disent, quand ils voient que quelqu'un s'accroche à la sunna, il s'accroche à l'islam, ils disent ça, c'est un islam radical, wahhabite. Et maintenant, ils ont concentré toute leur attaque sur la da'wa salafiyya, et ils l'appellent wahhabiyya. Et ils disent que tout ce qui est, il y a une forme d'extrémisme et de radicalisme religieux musulman, c'est toujours, ça vient du soi-disant, selon ce qu'ils disent, c'est le wahhabisme. Mais il n'y a pas le wahhabisme, ça n'existe pas. Parce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, c'est un des ulama parmi les ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. C'est un savant parmi les savants, comme les autres. C'est comme si quelqu'un disait, ça c'est, on suit par exemple le malikisme, ou le hanafisme, ou le hanbalisme, ou des choses de ce genre. Ça n'existe pas, ces affaires-là. C'est l'islam qu'on suit. Le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf salih. Donc, là, le cheikh Dahlan, c'est ça, il mentait, et il s'est fait réfuter par celui-là. Et il y a un autre livre écrit par un soufi qui s'appelait An-Nabhani. Et lui aussi c'était un khurafi. Hein? Et il défendait le shirk et les bid'ah. Et il a écrit un livre contre la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a été réfuté par un savant de l'Irak qui s'appelle Al-Alousi. Son nom c'est Mahmoud Shukri Al-Alousi. Et c'est un des savants de l'Irak. Il a écrit un livre qui s'appelle Ghayatul Amani Ferrad Al-Nabahani. C'est-à-dire un livre qui a été écrit dans le but de réfuter Al-Nabahani. Okay? Et il y a aussi, le Cheikh dit ensuite, ومن افتراءات دحلان يقول إن ابن عبد الوهاب كان يثمر يريد أن يدعي النبوة ولما ولكن لما رأى الناس لم يصدقوه كتم هذه الفكرة وإلا فهي في نفسه فكان دحلان يعلم ما في القلوب ويعلم الغيب إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة فليس الشيخ هو الوحيد الذي اتهم وشبه على دعوته إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى وقال تعالى لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Le Cheikh il dit, et il y a également parmi les mensonges, les choses que Dahlan a inventées contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit que le Cheikh ibn Abdul Wahhab voulait prétendre être un prophète, il voulait prétendre la prophétie. Mais lorsqu'il a vu que les gens ne croyaient pas en lui, il a caché cette croyance en lui-même et il ne l'a pas dit. Et le Cheikh Fawzan il dit, c'est comme si Dahlan, il prétendait, ou c'est comme s'il savait qu'est-ce qui est dans les cœurs, c'est comme s'il savait le rêve. Hein? Comment il pouvait prétendre que quelqu'un voulait prétendre la prophétie, mais qu'il l'a caché dans son cœur, puis toi tu le sais. Comment tu l'as su? Hein? Qui te l'a dit puisqu'il n'a jamais dit ça? Donc, ça c'est des exemples de mensonges de Dahlan contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et il dit, وَكَأَنَّ Dahlan, ah oui, après il dit, donc ça c'est parmi les exemples de mensonges qui sont ridicules de la part de Dahlan et de ces gens, de ces catégories de personnes qui ont critiqué le Cheikh. Il dit donc que فَلَيْسَ الشَّيْخُ هُوَ الْوَحِيدُ الَّذِي اِتُّهِمَا وَشُبِّهَا عَلَى دَعْوَتِهِ. La plupart des choses que les gens ont dit contre le Cheikh, souvent c'est comme par exemple le Cheikh, le fait qu'il critiquait les gens qui adoraient les tombes et qui allaient chercher l'aide des morts dans leurs tombes quand ils sont enterrés. Donc, le Cheikh, lui, il dénonçait ça, le fait de construire des mosquées sur les tombes, le fait de mettre des dômes sur les tombes, des choses de ce genre, et le fait d'aller faire des pèlerinages à ces endroits-là et de sacrifier des bêtes pour les morts et pour faire le tawaf autour et des choses de ce genre. Donc, tout ça, aller faire des du'as à ces endroits-là pour demander aux morts des faveurs ou des biens. Le Cheikh, il a dit ça, c'est des choses qui sont contraires à l'islam. Il y a des choses parmi ces choses-là qui sont des formes de shirk majeures et qui font sortir de l'islam. Donc, il dénonçait ça avec force. Il a combattu ces formes de shirk et de bid'ah. Et à cause de ça, il s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les gens de bid'ah. Il y en a des gens de bid'ah qui vivent de ça, qui vivent de ces formes de superstition là et de corruption là, et ils n'aiment pas qu'on critique leur gagne-pain. Hein. Alors le Cheikh il s'est fait beaucoup d'ennemis de cette manière-là, et c'est pour ça qu'il s'est fait accuser de tous les côtés par ces gens-là. Ma yuqalu laka, le Cheikh il mentionne un verset, il dit donc, en premier il dit, le Cheikh c'est pas le premier, et c'est pas le seul qui s'est fait accuser. Ah, Shu'aib, masha'Allah. Le Cheikh, il dit, le Cheikh, il n'est pas le seul à s'être fait accuser, et il n'est pas le seul au sujet duquel on a essayé de jeter des choubouhats autour de sa da'wa. Hein? Et si c'est arrivé au messager avant lui, hein? Alors lui, ceux qui les suivent, c'est certain qu'eux-mêmes aussi vont avoir encore plus hein, de shubuhat et d'accusations contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset, dans surat Fussilat, le verset 43, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. C'est-à-dire, on va rien te dire, excepté la même chose que les mouchriquins des autres messagers avant toi ont dit à leurs messagers. Donc, tout ce que les gens vont te dire parmi les mouchriquins de ton époque, c'est la même chose que les mouchriquins des prophètes d'avant et des messagers d'avant se sont fait dire de la part de leur peuple. Hein? Donc, c'est pour dire que c'est toujours les mêmes affaires que les mouchriquins répètent à chaque fois. À chaque fois qu'un messager vient avec la vérité, les gens leur répètent toujours les mêmes accusations, les mêmes choubouhats, les mêmes arguments. تشابهت قلوبهم. Comme Allah dit, leurs cœurs se ressemblent. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. La même chose que ceux qui étaient avant eux ont dit la même parole. Leurs cœurs se ressemblent. Après, il dit, وقوله وسليمان بن سحيم هذا من خصوم الشيخ. هذا من خصوم الشيخ في وقته وهو مطوع المعكال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن وكان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين ومنهم هذا كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس في الاتهامات والكذب والشيخ رد على افتراءات ابن سحيم في رسالة موجودة في رسائل الشيخ وأشار إليها هنا وهذه إشارة فقط وإلا فالرد المفصل في رسالة مستقلة على سليمان بن سحيم كتبه إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيم أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا وكل فرية يرد عليها يرد عليها. Donc le cheikh il dit que par la suite il dit que Sulayman ibn Suhaim c'est un des opposants du cheikh à son époque et c'était une personne qui qu'on appelait un mutawwa, c'est-à-dire quelqu'un qui ordonnait le bien interdisait le mal dans la région de Riyad. Il parle de religion, puis il ordonne aux gens le bien, interdit le mal. Dans la région de Riyad, hein, et on appelle cet endroit-là de la même façon aujourd'hui, hein, car un des quartiers de Riyad, on appelle Mi'kal. Et les gens se réunissaient dans cet endroit-là, il y avait beaucoup de menteurs, puis des gens qui disent n'importe quoi, qui se réunissaient à cet endroit-là aussi. Et donc, lui, il faisait partie de ceux-là. Et il a menti au sujet du cheikh. Il a écrit une lettre dans laquelle il a mentionné plein d'accusations fausses, ridicules, hein, contre le cheikh, et le cheikh a réfuté ces accusations-là et ces mensonges-là dans une lettre qui est présente dans les lettres du cheikh, et il a indiqué quelques accusations qui sont dans cette lettre. Hein. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans cette lettre maintenant, il parle de certaines des accusations qui ont été indiquées, et il ne les réfute pas en détail, parce que la réfutation détaillée, elle est dans une autre lettre, dans une autre de ces lettres, qui est en détail, hein, qui est des réfutations plus détaillées. Ça commence en disant, de la part de Muhammad ibn Abdul Wahhab à Sulayman ibn Suhaim, amma ba'd, il m'est parvenu que tu as dit telle et telle chose à mon sujet, et il continue donc à, il commence donc à réfuter par la suite, point par point, les accusations contre lui. Donc, tous les mensonges ont été réfutés un par un. Le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ وَقَدْ وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ يَعْنِي كَأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهِ يَسْتَشْفِي أن سؤال أهل القسيم له من عقيدة عن عقيدته سببها رسالة ابن سحيم فهم لما جاءتهم رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته وهذا هو الواجب فالواجب التثبت فهم أحسنوا صنعا في هذا وهذا إذا بلغك عن شخص أنه يقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أوكي. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai entendu que, bon, vous savez, je sais que vous savez que vous avez reçu, vous savez que je sais que vous avez reçu la lettre de Ibn Suhaym. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ça signifie quoi? Ça signifie que le cheikh, il a compris peut-être que la raison pourquoi les gens de Qasim lui ont demandé d'expliquer sa aqida, c'est à cause de la lettre de Ibn Suhaym. Parce qu'il a compris que les gens ont reçu la lettre, donc ils ont besoin d'avoir des réponses pour contrer qu'est-ce qui est dans cette lettre de mensonge et d'accusation contre le cheikh. Alors il demande, le cheikh il dit, je sais que vous avez reçu cette lettre, et certains d'entre vous, vos gens là-bas, vous ont accepté les mensonges qui sont dedans. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, donc il a compris le cheikh que c'est peut-être pour ça qu'il leur demande d'écrire la aqida. Et donc, le chef, il dit ça, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. C'est-à-dire, en demandant au chef d'écrire sa aqida, c'est une bonne chose qu'ils ont fait, parce que lorsque on t'informe, lorsqu'il te vient, quelqu'un te donne une information sur quelqu'un, tu dois vérifier cette information-là. D'accord? Supposons que quelqu'un dit quelque chose à propos de l'un d'entre nous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Quelqu'un dit quelque chose à propos de l'un d'entre nous, l'obligation qu'on a, c'est d'aller vérifier, d'aller voir cette personne et de dire à cette personne, est-ce que c'est vrai, j'ai entendu que tu dis telle ou telle chose, est-ce que c'est vrai? Et là, tu clarifies avec la personne, hein, à ta faute. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, si une personne, un pécheur ou une personne perverse, il vient avec vous, vous informer de quelque chose, alors vérifiez. Vérifiez cette information-là. Yani, pourquoi? Pour ne pas faire du tort à des gens par votre ignorance, et que par la suite vous allez avoir des remords et vous allez regretter ce que vous avez fait. Du fait que vous avez parlé contre des gens sans preuve et sans connaissance à leur sujet, sans vérifier l'information. Ça c'est le verset 6 dans surat al-Hujurat. Donc, le cheikh il dit, « فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم لأنهم إخوان وطلبة علم وعقيدتهم ولله الحمد وحده فلو يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما بينهم ولا يتخذون تشهيرا أو اتهامات وتراشق بالكلام هذا لا يجوز أبدا فالواجب التثبت إذا ثبت فإنه يناصح ومن ثبت عليه الخطأ والمخالفة لأن الإنسان ليس معصوما. هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن سحيم من تلاميذ الشيخ، وهو رجل طيب، هو رجل طيب، فلا يشتبه عليكم عبد الله بن سحيم بسليمان بن سحيم. Ok, le cheikh explique ici par la suite, il dit que c'est dommage que les étudiants de sciences islamiques aujourd'hui et les jeunes, ils ne suivent pas cette méthodologie de vérifier les informations et de cesser de faire ces problèmes entre eux aujourd'hui comme ils le font aujourd'hui. Parce que ce sont des frères entre eux et des étudiants de sciences et leur aqida, par la grâce d'Allah, est une seule et même aqida. Et s'ils abandonnaient cette attitude qu'ils ont entre eux de se lancer des accusations, et s'ils vérifiaient les uns et les autres les informations avant de se lancer, d'agir de cette manière-là les uns envers les autres, et s'ils vérifiaient, ce serait quelque chose qui serait mieux. Donc, il dit, si quelque chose a été confirmé à propos de quelqu'un, par rapport à ce qui a été dit à son sujet, alors tu vas donner le conseil à cette personne-là, et tu ne vas pas prendre ça pour le publiciser, et le faire, le dire à tout le monde, de faire des accusations avec des paroles. Il dit, ça c'est pas permis. Il dit, l'obligation c'est de vérifier les choses, et lorsque les gens ont, l'information a été vérifiée, de donner la nasiha de qu'est-ce qui a été confirmé, et d'informer de l'erreur et de la contradiction. Parce que personne n'est infaillible. Hein? Et il y a une autre personne qui s'appelle Abdullah bin Suhaim, qui fait partie des élèves du Cheikh. Et c'est un homme qui était bon. Et donc il ne faut pas mélanger entre Sulayman bin Suhaim et Abdullah bin Suhaim. Abdullah bin Suhaim, il était bien, un des élèves du Cheikh, tandis que Sulayman bin Suhaim, lui, c'était lui qui était un des égarés qui appelait à des choses fausses. Donc, on va terminer ici, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on va arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.